Salut les amis, alors juste avant de vous laisser avec l'épisode de Dave Parker, je tenais à remercier Calvin Brennan qui a laissé une critique, donc 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup Calvin, le titre, ça fait du bien. Et voilà le commentaire. D'entendre ces galères, ça éclaire bien sur la vie d'humoriste. Je ris à chaque épisode, continue comme ça Sofiane. Eh bien merci beaucoup Calvin, vraiment ça me va droit au cœur, je suis ravi que ça te plaise, je suis ravi qu'il y ait des retours comme ça, et je vous encourage également à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, c'est avec grand plaisir que je les lirai. Merci beaucoup pour votre soutien, merci Calvin, et j'espère que les prochains épisodes te plairont. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne écoute avec Dave Parker. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Dave Parker. Yes, bonjour à tous. Bonjour Dave et merci bonjour, d'avoir accepté l'invitation. Un grand plaisir. Ah, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Bah oui, donc on galère tous, mais je dois avouer que bon, après j'ai pas une grande carrière, mais je n'ai pas eu beaucoup de galères. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Généralement les scènes se passent plutôt bien, mais pas non plus assez bien que pour être une star planétaire, puisque toi-même, tu ne me connaissais même pas il y a quelques semaines, je crois. Oh, si, je t'avais écouté dans le podcast de Régis Canon, je crois, tu l'as fait avec lui. Ah, voilà, ok, c'est de là, ok. Oui, non, oui. Donc, alors, en fait, je dois dire que ça fait quelques années que je passe un bon moment avec le public. Et ça, je suis assez content. Mais j'ai quand même des choses à raconter. Et alors, première chose que je vais raconter, on était invité pour aller jouer à la Caravane Gypsy. Alors, tu vois, au début, tu joues pour tout, quoi. Dès que tu as une opportunité de jouer, ben, tu joues, quoi. Et donc, totalement. Ici, c'était un dimanche matin à 11h du matin. On dit, voilà, c'était le Kings of Comedy à XL qui a reçu une demande de la Caravane Gypsy pour venir jouer et faire un plateau d'humoriste le dimanche à 11h, tu vois. Et donc, on arrive vers 10h, hein, tout confiant. Et puis, on voit qu'à 10h30, moi, c'est un gars qui fait des mimes pour des enfants, tu vois, mais des très jeunes enfants, quoi. Ouais. Et puis juste après, on se dit, mais quoi, le public va arriver, mais non, le public est déjà là. Et donc, en fait, on joue devant des enfants, quoi. Mais des enfants de 4, 5, 6 ans, quoi, tu vois. Et nous, au début, on galère, on n'a même pas un quart d'heure vraiment solide. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On n'a pas. Alors, on commence à raconter des blagues un peu bizarres. Et les enfants ne se marrent pas parce qu'ils ne comprennent pas et les parents sont gênés derrière et c'était très très très malaisant, quoi. Mais oui, tu vois, genre style ouais, après tu pouvais te rattraper, style ouais, tes parents te raconteront plus tard, des trucs comme ça, mais là pour le coup c'était un peu lourd. Mais ça va, ça s'est bien terminé quand même. Sinon il y a un autre truc aussi, là je le dis d'ailleurs dans mon spectacle. Par rapport aux endroits où on joue, je demande toujours où sont les toilettes par rapport à la scène. Depuis que j'ai été à Hatt, donc dans la province du Hainaut en Belgique, pas trop loin de Charleroi. Ouais. Et à Hatt, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est arrivé, c'est aussi un plateau. Et il y avait plein de monde, quoi, tu vois. Et on se dit, ah, chouette, ça va être une bonne ambiance. Mais en fait, les gens qui étaient là savaient pas qu'il allait avoir un plateau d'humour, quoi. Ouais, et ouais. Donc, ils étaient là, mais à mon avis, depuis 14h, quoi. Il était 20h, ils étaient défoncés, mais c'était pas possible, quoi. Et alors, ils parlaient pendant le show, mais où étaient les toilettes? Juste derrière la scène, quoi. Et donc, pendant le show, il y a des gens qui sont passés sur la scène en disant, ouais, de toute façon, moi, continue, je comprends rien à ce que tu racontes. Et donc, du coup, je me suis dit, mais à un moment, foutu pour foutu, je vais suivre le mec, parce qu'on était j'avais un micro qui portait jusque là, quoi. Je continue mon sketch dans les WC, et donc on a une conversation à deux, à moi avec le micro, et toute la salle entend ce qui se passe, quoi, tu vois. Ça c'est la première chose, et la deuxième chose, dans cette même soirée, il y avait une table où il y avait bien 15 personnes, et eux par contre, pendant toute la soirée, ils ont rien dit du tout, rien. Et donc il y a un moment, je leur demande quand même, ça va, vous avez passé une bonne soirée? Et ils me répondent en néerlandais, quoi. Donc ils avaient rien compris depuis le début de la soirée. D'accord, c'était des Flamands. Et c'était des Flamands. Ils faisaient ah, what believed. Et donc du coup, gros moment de faiblesse. Et donc voilà, j'ai essuyé les plâtres, je suis monté dans le truc. Et il y en a un autre qui a suivi. Et après, les autres n'ont pas voulu jouer, quoi, parce que c'était pas possible, quoi. C'était plus possible, quoi. Si tu veux, il y avait des gens qui voulaient peut-être encore un peu écouter, donc ils s'engueulaient les uns envers les autres. T'as le patron du bar qui tape un poing sur la table, mais non, tout le monde fait gueule, enfin, tu vois le truc. C'est pas possible de continuer. C'est l'anarchie, quoi. Ouais, c'était ça, c'était pas possible de continuer à jouer dans ces conditions-là, quoi. L'avantage après d'avoir vécu ce genre de situation, c'est qu'après t'as plus peur, quoi. Ben, t'as moins peur, et puis finalement, moi, je l'ai pas trop mal pris, parce que les gens, c'était un bide, mais les gens s'en souviennent pas, ils étaient bourrés, tu vois, et donc moi, au final, je me retrouve à parler avec ce mec, finalement, les humoristes qui étaient avec moi, on s'est bien marré, quoi. La fois dernière aussi, j'avais joué dans un resto où il y avait un vacarme inouï, et puis, donc ça ne peut pas fonctionner quand il y a un vacarme pareil, et t'as des gens après qui viennent te parler, qui viennent te dire... C'est pas mal, mais selon toi, moi, tu devrais chanter. Ce serait mieux de chanter que de faire des blagues. Tu dis, mais non, t'as rien compris, quoi. Bon, du coup, l'album de Dave Parker sort quand? Ah ouais, attends, oui. Mais attends, je pense encore à un autre truc. C'est pas vraiment un beat, mais c'est une anecdote de dingue par rapport à chanter. Uh-huh. J'ai reçu un mail de quelqu'un qui me dit, ouais, bonsoir, voilà, je suis assez fan de ce que vous faites. J'aimerais bien écrire pour vous. Ben je dis, ouais, comment j'ai percé? Il y a quelqu'un qui veut écrire pour moi, tu vois. Je dis, bah, écoute, très bien, je sais pas comment tu vois les choses. Bah, écoute, ouais, voilà, je vais t'envoyer mes textes et si t'aimes bien, bah, on voit ce qu'on peut faire, quoi. Et donc, je dis, ok, voici mon adresse, il m'envoie les textes. Et en fait, c'était que des chansons, il pensait que j'étais Dave. Ah, le chanteur Dave! Oh là là là là là là! Oh là! Ben, là, pour le coup, t'as vraiment percé. Et là, j'ai percé de ouf. Et donc, j'ai 18 chansons qui sont peut-être les 18 tubes de demain que peut-être... Alors, tu vois, après, j'ai appelé la personne en disant... Enfin, j'ai envoyé un mail en disant « Ouais, il y a un gros malentendu, j'ai pas non plus envie... » Parce que le mec était très sérieux, tu vois. Il était en mode galère aussi, tu vois. Et donc, je dis « Ouais, mais je suis désolé, mais je vais pas pouvoir vous aider, quoi. » Il dit « Ouais, mais essayez de lui envoyer. » Je dis « Mais je le connais pas, Dave. » Alors ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est-à-dire que en même temps, tu mets pas beaucoup du tien. T'as le même prénom que lui, donc normalement, tu devrais le connaître. Mais ouais, mais en fait, ce qui se passe, un jour, j'ai eu un. Il a peut-être été sur mon Facebook, et sur mon Facebook, il y a une photo de moi et Dave, parce que un jour, on a été supporter un pote qui faisait Incroyable Talent. D'accord. Qui s'appelait les Écoliers. Et les Écoliers, ils ont. On est avec un autre pote à moi qui s'appelle David. Moi qui s'appelle David dans la vraie vie, et on s'appelle tous les deux Dave, et on voit Dave dans le jury, quoi. Et à la fin du show, on a dit, il nous faut une photo avec Dave pour avoir les triples Dave, tu vois. Et depuis lors, il pense que, voilà, je connais Dave et que je peux lui envoyer. Et je dis, mais je ne le connais pas, Dave. Et alors, il me dit, non, mais je vois que vous avez une photo avec Jarry. Mais si vous envoyez ça à Jarry, peut-être que lui peut l'envoyer à Dave. La bifurcation, quoi. Non, mais ça, c'est des grands moments. Mais en même temps, des moments comme ça, c'est marrant parce que tu peux les raconter un peu sur scène. Mais ouais. Parfois, allez, il y a quand même de la détresse derrière, quoi. C'est ça qui est un petit peu triste. Parce que ce monsieur-là était vraiment hyper gentil. Et tu vois qu'il a bossé, quoi. Tu vois, il m'a envoyé il y a bien 25 feuilles de chansons, quoi, tu vois. Écrit à la main. Ouais, donc le mec, il a vraiment mis du cœur, quoi. Ouais, il s'est donné, quoi. Donc t'as envie de l'aider, mais en même temps, tu te sens un peu désarmé, quoi. Je vais pas appeler Dave en disant coucou. Mais pourquoi tu n'essayes pas de l'envoyer? Mais je dis, j'ai essayé, mais il répond pas. Mais pourquoi il va répondre à moi, tu vois. Alors, est-ce que le mec, pour se rattraper, vu que tu t'appelles Dave Parker, est-ce qu'il t'a proposé d'envoyer une idée de jeu de société au jeu Parker, par exemple? Non, parce que ça s'écrit pas de la même manière, c'est ça aussi. Oui, mais ouais, mais du coup, là, franchement, on n'était plus à ça près. Ouais, mais par contre, c'est vrai que ça m'handicape un peu, hein, s'appeler comme ça. Ah, parce oui, que les gens pensent que c'est Parker, P-A-R-K-E-R. Oui, comme Parker Lewis, voilà la série, alors que c'est Parker comme apprendre quelque chose par cœur. En un mot, voilà, c'est ça. Bien sûr, oui, voilà. Ah oui, bah écoute, hein. Peut-être que la chanson, ce sera pour une prochaine fois. Mais ouais. Est-ce que du coup, tu as pu revoir le vrai Dave après cette histoire? Non. Toujours parce que pas. J'imagine que si tu le recroises, tu vas lui raconter. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Ouais, ça serait marrant. Mais à ce moment-là, j'aurais vraiment plus aucune excuse de lui filer les paroles, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, et donc, tu avais d'autres anecdotes? Ouais, mais alors là, c'est plus des remarques, tu vois, des remarques après une scène où il y a des gens qui viennent te dire « C'est bien ce que tu fais, mais t'as un boulot à côté ?» Tu fais « Non, plutôt, tu fais quoi à côté ?» Alors que tu fais plus rien, tu vois. Ils viennent te dire « Sinon, tu fais quoi à côté ?» Ben, non, ça, c'est ça rabaisse, quoi, un peu. Ouais. Ou alors, il y en a qui disent et tu penses faire ça à temps plein, tu te donnes quelle période pour commencer à faire ça à temps plein, un calendrier? Mais je suis déjà à temps plein là-dedans. Avec une grosse goutte qui coule le long du front et tout. Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais en fait, ça se passe toujours comme ça. Quand une scène se passe bien, les gens viennent te parler, te regardent dans les yeux. Mais quand ça se passe pas bien, ils te regardent pas, en fait. Ou alors ils te regardent, mais directement ils regardent leurs pieds. Il y a souvent la phrase courage qui va avec. Tu vois le mot courage. Ouais, courage. Ça c'est vraiment dur. Courage. En tout cas, pour quelqu'un qui débute, c'était vraiment bien. Alors que ça fait 6 ans que t'es dedans, tu vois. Eh ben oui, c'est ça. Hein. Et dans ces cas-là, bah, si ça s'est mal passé, en général, tu oses pas dire « Ah, mais ça fait 6 ans que je le fais ». Tu dis « Oui, oui, merci, c'est ma deuxième scène ». J'essaye de camoufler un peu À ce moment-là, moi, je joue l'honnêteté et je vois dans le regard de mon interlocuteur une sorte de « Ah, j'aurais dû me taire », quoi, tu vois. Eh bien, écoute, en tout cas, ouais, des remarques de spectateurs, des fois, ouais, ça peut être un petit peu bizarre. Moi, pour ma part, c'est vrai que des fois, j'ai eu des gens qui m'ont dit des trucs, tu sais, les gens qui viennent te voir et qui te disent, alors, ce sketch-là, tu le fais, bon, tu parles de tel sujet, faudrait pas que tu le dises comme ça, faudrait que tu parles de telle chose. Ah, au fait, oui, il m'est arrivé un truc, raconte-le dans ton sketch. Ouais, c'est souvent. Ah. Tout le truc, dès qu'il se passe un truc un peu private entre potes, il y a bien qui dit, ça va faire un nouveau sketch. Alors que tu sais tout de suite que ça n'ira pas du tout, en fait. Bien sûr, bien sûr. Après, moi, je le prends pas mal, tu vois, quand les gens me font leurs suggestions. Ah non, mais c'est ça, c'est plutôt bon enfant. Voilà, je vais pas leur dire non, ce sera pas dans mon spectacle, non. Ouais. Ah, parce que ce sera un peu méchant. C'est pas avec bonnes intentions, évidemment, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas les codes, quoi. Ouais. Bah oui, voilà, je leur dis merci. Ah oui, tu sais, je joue un peu, tu vois, je dis ah, merci. Oh ouais, ça peut être sympa, ouais, merci. Et après, voilà, j'espère juste ne jamais, genre, avoir quelqu'un qui revient me voir des années plus tard et qui me fait bah alors, t'as pas mis mon idée dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, j'ai rarement eu, ouais. Ça serait un petit peu. Ou alors, il y a des gens qui racontent des trucs non-stop qui sont pas toujours très intéressants. Et à ce moment-là, pour l'arrêter, c'est très simple. Tu dis, mais ça me donne une idée pour un sketch, tout ça. Vous allez vous retrouver dedans, quoi. Et là, généralement, ça se calme, quoi. Ouais, c'est la menace. Ouais. Donc, merci beaucoup, Dave, pour ces petites anecdotes. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, c'est Dave Parker sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Alors ouais, j'ai essayé TikTok, j'ai pas encore tout à fait compris parce que tu vois, je suis un peu de l'ancienne génération aussi, hein. À 36 ans, parfois j'ai l'impression d'être un peu dépassé. Mais j'en ai 37 et je me sens comme toi, pareil. Ouais, t'es sur TikTok toi? Ouais, je me suis mis sur TikTok aussi et franchement, ouais, il y a des trucs que je comprends pas, mais c'est pas grave, on s'amuse bien quand même. Il suffit de suivre un peu les trends et puis tu peux même utiliser des vannes, tu vois, des vannes de ton spectacle ou quoi, et tu les mets en scène ou tu les balances comme ça face caméra, ça peut être intéressant. Ouais. C'est juste que parfois j'ai un peu mal à mon humanité quand je vois la jeunesse qui m'envoie des messages avec 45 fautes d'orthographe alors qu'il y a que 3 mots. Écoute, je pense que les réseaux sociaux, malheureusement, sont un très bon miroir de la société. Ouais, ça fait un peu peur. Donc, sur les réseaux sociaux, donc on tape Dave Parker, donc D-A-V-E, plus loin P-A-R-C-O-E-U-R. Exactement, et là, on va me trouver. Donc, en fait, j'ai un site internet aussi, donc www.daveparker.com. D'accord. Où j'espère pouvoir remettre un de ces jours les dates des prochains spectacles, quoi, parce que purée, c'est long. C'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu relou là. C'est tout ce qu'on souhaite. Hein. Là, on veut tous reprendre, que ce soit en France ou en Belgique, on veut reprendre. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.